Leçon 2. Page 76. Activités 2 et 3. Piste 64. Hugo, pourquoi tu aimes le samedi ? Parce que le samedi, je joue aux jeux vidéo. Et toi, Emma ? Ton jour préféré ? Moi, j'adore le lundi parce qu'il y a cours d'art plastique. Et Alice ? Tu aimes le lundi aussi ? Non, j'aime le mardi parce qu'il y a cours de musique. J'adore ça.